On s'étend sur le sol ou sur un lit. Et calmement, on fait 3 respirations, 2, 8, 4, 4, en 2 volets. Doucement, en relaxation magnifique, on bouge le muscle, on fait le mouvement que je vais nommer, mais on se rappelle qu'on doit ébaucher le mouvement. Moins le muscle bouge, mieux l'exercice est réussi. Main droite, levez l'index, relaxez. Baissez l'index, relaxez. Portez l'index vers l'intérieur de la main, relaxez. Portez l'index vers l'extérieur de la main, relaxez. Pliez l'index, relaxez. Toujours le minimum de mouvement. Le deuxième doigt. Levez. Relaxer. Baisser. Relaxer. Pousser le doigt vers l'index. Relaxer. Pousser le doigt vers l'extérieur de la main. Relaxer. Plier le doigt. Relaxer. Troisième doigt. Lever le doigt. Relaxer. Baisser le doigt. Relaxer. Pousser le doigt vers le pouce, relaxer. Pousser le doigt vers l'extérieur de la main, relaxer. Plier le doigt, relaxer. Le petit doigt, lever le doigt, relaxer. Baisser le doigt, relaxer. Pousser le doigt vers le pouce, relaxer. Pousser le doigt vers l'extérieur de la main, relaxer. Plier le doigt, relaxer. On recommence avec l'autre main. Levez l'index, relaxez. Baissez l'index, relaxez. Portez l'index vers l'intérieur de la main, relaxez. Portez l'index vers l'extérieur de la main, relaxez. Pliez l'index, relaxez. Le deuxième doigt. Levez le doigt, relaxez. Baissez le doigt, relaxez. Poussez le doigt vers l'intérieur de la main, relaxez. Poussez le doigt vers l'extérieur de la main, relaxez. Pliez le doigt, relaxez. Le troisième doigt. Levez le doigt, relaxez. Baissez le doigt, relaxez. Portez le doigt vers l'intérieur de la main, relaxez. Portez le doigt vers l'extérieur de la main, relaxez. Pliez le doigt, relaxez. Le petit doigt, levez le doigt, relaxez. Baissez le doigt, relaxez. Portez le doigt vers l'intérieur de la main, relaxez. Portez le doigt vers l'extérieur de la main, relaxez. Pliez le doigt, relaxez. Pliez le pouce de la main droite. Relaxez. Pliez le pouce de la main gauche. relaxer. Étirez le pouce de la main droite, relaxer. Étirez le pouce de la main gauche, relaxer. On doit toujours bien veiller à ébaucher les mouvements. On ne fait jamais de mouvements réels ou de grands mouvements. Les mains. La main droite. Levez la main, relaxez. Baissez la main, relaxez. Poussez la main vers l'extérieur, relaxez. Poussez la main vers l'intérieur, relaxez. La main gauche, levez la main, relaxez. Baissez la main, relaxez. Poussez la main vers l'extérieur, relaxez. Poussez la main vers l'intérieur, relaxez. Les avant-bras. Pliez l'avant-bras sur lui-même. Contraction du biceps. Relaxez. Extension de l'avant-bras. Contraction du triceps. Relaxez. Rotation de l'avant-bras. Paume vers le bas. Rond pronateur. Relaxez. Rotation de l'avant-bras. Paume vers le haut. Supinateur. Relaxez. On recommence avec l'autre main. Flexion de l'avant-bras sur lui-même. Biceps brachial contracté. Relaxé. Extension de l'avant-bras. Triceps brachial contracté. Relaxé. Rotation de l'avant-bras sur lui-même. Paume vers le bas. Rond pronateur. Relaxé. Rotation de l'avant-bras. Paume vers le haut. Supinateur. Relaxez. Levez le bras vers l'avant. Deltoïde. Relaxez. Tirez le bras vers l'arrière. Deltoïde. Relaxez. Poussez le bras vers l'extérieur. Deltoïde. Relaxez. Tirez le bras vers l'intérieur, vers vous. Grand dorsal, grand pectoral, relaxé. Rotation externe du bras, relaxé. Rotation interne du bras, relaxé. On recommence avec l'autre bras. Levez le bras vers l'avant, deltoïde, relaxé. Tirez le bras vers l'arrière, deltoïde, relaxez. Poussez le bras vers l'extérieur, deltoïde, relaxez. Tirez le bras vers l'intérieur, grand dorsal, grand pectoral, relaxez. Rotation externe du bras, relaxez. Rotation interne du bras, relaxez. On ébauche toujours les mouvements. À peine on doit sentir le muscle se contracter. On magnifie. Les épaules. Levez l'épaule vers le haut. Trapèze. Relaxez. Tirez l'épaule vers l'arrière. Grand dorsal. Relaxez. Poussez l'épaule vers la tête. Relaxez. Poussez l'épaule vers les pieds. Relaxez. On recommence avec l'autre épaule. Levez l'épaule vers le haut, trapèze. Tirez l'épaule vers l'arrière, grand dorsal. Poussez l'épaule vers la tête, relaxez. Poussez l'épaule vers le bas, relaxez. On descend aux orteils. Flexion des orteils vers le bas. Relaxez. Extension des orteils vers le haut. Relaxez. Écartez les orteils. Relaxez. L'autre pied. Flexion des orteils vers le bas. Relaxez. Extension des orteils vers le haut. Relaxez. Écartez les orteils. Relaxez. Les pieds. flexion du plié. Relaxer. Pousser le pied vers le bas. Gastrocnémien. Relaxer. Pousser la pointe du pied vers l'extérieur. Relaxer. Pousser la pointe du pied vers l'intérieur. Relaxer. On recommence avec l'autre pied. Flexion du pied. Relaxer. Pousser le pied vers le bas. Gastrocnémien. Relaxer. Pousser la pointe du pied vers l'extérieur. Relaxer. Pousser la pointe du pied vers l'intérieur. Relaxer. On prend une longue respiration 2-8-4-4 et on la sent circuler chez soi. Les jambes. Extension de la jambe, quadriceps fémoral, relaxé. Baisser la jambe, biceps fémoral, relaxé. L'autre jambe. Extension de la jambe, quadriceps fémoral, relaxé. Flexion de la jambe, biceps fémoral, relaxé. Les cuisses. Flexion de la cuisse, quadriceps fémoral, relaxé. Extension de la cuisse, biceps fémoral, relaxé. Pousser la cuisse vers l'extérieur, tenseur du fascia lata, relaxé. Pousser la cuisse vers l'intérieur, gracile, relaxé. Monter la hanche, relaxé. Rotation externe de la cuisse, couturier, relaxé. On recommence avec l'autre jambe. Flexion de la cuisse, quadriceps fémoral, relaxé. Extension de la cuisse, biceps fémoral, relaxé. Pousser la cuisse vers l'extérieur, tenseur du fascia lata, petit fessier, relaxé. Pousser la cuisse vers l'intérieur, gracile, relaxer. Monter la hanche. Relaxer. Rotation externe de la cuisse. Couturier. Relaxer. Les fesses. Contracter une fesse. Grand fessier. Relaxer. Contracter l'autre fesse. Grand fessier. Relaxer. Le bassin. Basculer le bassin vers l'avant. Relaxer. Basculer le bassin vers l'arrière. Relaxer. On ébauche toujours le mouvement. Le tronc. On durcit à peine le ventre, grand droit de l'abdomen. Relaxer. On fait légèrement vibrer le diaphragme. On respire comme un petit chien. On le fait beaucoup plus léger. Relaxer. Respiration sous-clavière faible. À peine les épaules bougent pendant l'inspiration et l'expiration. Relaxer. Le cou. On ébauche le mouvement. Pencher la tête vers la droite. Sternocléidomastoïdien, relaxé. Pencher la tête vers la gauche, même muscle, relaxé. Tourner la tête vers la droite, relaxé. Tourner la tête vers la gauche, relaxé. Lever la tête vers l'avant, sternocléidomastoïdien, relaxé. Pousser la tête vers le sol, relaxer. Pousser la tête vers le sol, relaxer. Étirer légèrement le cou, relaxer. La face. Prendre conscience des paupières et ne pas les faire scier. On peut respirer d'une façon risquante pour nous aider. On ouvre légèrement la mâchoire. On ébauche le mouvement musculaire. Relaxé. Fermez la mâchoire. Relaxé. Poussez la mandibule inférieure vers la droite. Relaxé. Poussez la mandibule inférieure vers la gauche. Relaxé. Poussez les yeux vers la gauche. Relaxé. Poussez les yeux vers la droite, relaxez. Poussez les yeux vers le haut, relaxez. Poussez les yeux vers le bas, relaxez. Ouvrir à peine les paupières, relaxez. On doit ébaucher les mouvements. Les sens. Sentir les odeurs extérieures. Écouter les sons extérieurs. Sentir le poids des vêtements sur les différentes parties du corps ou le poids du corps sur le sol ou sur le lit. Trois respirations en deux volets. 2, 8, 4, 4. Retour de la relaxation par les mêmes étapes. Doucement, on ébauche à peine le mouvement, donc on contracte à peine le muscle. Main droite. Levez l'index. Relaxez. Baissez l'index. Relaxez. Portez l'index vers l'intérieur de la main. Relaxez. Portez l'index vers l'extérieur de la main. Relaxez. Pliez l'index. Relaxez. Toujours le minimum de mouvement. Le deuxième doigt. Levez. Relaxez. Baissez. Relaxez. Poussez le doigt vers l'index. Relaxez. Poussez le doigt vers l'extérieur de la main. Relaxez. Pliez le doigt. Relaxez. Troisième doigt. Levez le doigt. Relaxez. Baissez le doigt. Relaxez. Poussez le doigt vers le pouce. Relaxez. Poussez le doigt vers l'extérieur de la main. Relaxez. Pliez le doigt. Relaxez. Le petit doigt. Levez le doigt. Relaxez. Baissez le doigt. Relaxez. Poussez le doigt vers le pouce. Relaxez. Poussez le doigt vers l'extérieur de la main. Relaxez. Pliez le doigt. Relaxez. On recommence avec l'autre main.

grand dorsal. Relaxez. Poussez l'épaule vers la tête. Relaxez. Poussez l'épaule vers les pieds. Relaxez. On recommence avec l'autre épaule. Levez l'épaule vers le haut, trapèze. Tirez l'épaule vers l'arrière, grand dorsal. Poussez l'épaule vers la tête, relaxez. Poussez l'épaule vers le bas, relaxez. On descend aux orteils. Flexion des orteils vers le bas, relaxez. Extension des orteils vers le haut, relaxez. Écartez les orteils, relaxez. L'autre pied. Flexion des orteils vers le bas, relaxez. Extension des orteils vers le haut, relaxez. Écartez les orteils, relaxez. Les pieds. Flexion du plié. Relaxez. Poussez le pied vers le bas. Gastrocnémien, relaxez. Poussez la pointe du pied vers l'extérieur. Relaxez. Poussez la pointe du pied vers l'intérieur. Relaxez. On recommence avec l'autre pied. Flexion du pied. Relaxez. Poussez le pied vers le bas. Gastrocnémien, relaxez. Poussez la pointe du pied vers l'extérieur. Relaxez. Poussez la pointe du pied vers l'intérieur. Relaxez. Les jambes. Extension de la jambe, quadriceps fémoral. Relaxez. Baissez la jambe, biceps fémoral. Relaxez. L'autre jambe. Extension de la jambe, quadriceps fémoral, relaxez. Flexion de la jambe, biceps fémoral, relaxez. Les cuisses. Flexion de la cuisse, quadriceps fémoral, relaxez. Extension de la cuisse, biceps fémoral, relaxez. Poussez la cuisse vers l'extérieur, tenseur du fascia lata, relaxez. Poussez la cuisse vers l'intérieur, gracile, relaxez. Montez la hanche, relaxez. Rotation externe de la cuisse, couturier, relaxez. On recommence avec l'autre jambe. Flexion de la cuisse, quadriceps fémoral, relaxez. Extension de la cuisse, biceps fémoral, relaxez. Poussez la cuisse vers l'extérieur, tenseur du fascia lata, petit fessier, relaxez. Poussez la cuisse vers l'intérieur, gracile, relaxez. Montez la hanche, relaxez. Rotation externe de la cuisse, couturier, relaxez. Les fesses. Contractez une fesse, grand fessier, relaxez. Contractez l'autre fesse, grand fessier, relaxez. Le bassin. Basculez le bassin vers l'avant, relaxez. Basculez le bassin vers l'arrière, relaxez. On ébauche toujours le mouvement. Le tronc. On durcit à peine le ventre, grand droit de l'abdomen, relaxez. On fait légèrement vibrer le diaphragme. On respire comme un petit chien. On le fait beaucoup plus léger. Relaxez. Respiration sous-clavière faible. À peine les épaules bougent pendant l'inspiration et l'expiration. Relaxez. Le cou. On ébauche le mouvement. Penchez la tête vers la droite, sternocleidomastoïdien. Relaxez. Penchez la tête vers la gauche, même muscle, relaxé. Tournez la tête vers la droite, relaxé. Tournez la tête vers la gauche, relaxé. Levez la tête vers l'avant, sternocleidomastoïdien, relaxé. Poussez la tête vers le sol, relaxé.